إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. On continue la lecture du tafsir de Cheikh Abd al-Rahman ibn Nasir al-Sa'di, rahimahullah ta'ala. Lors du cours dernier, on s'était arrêté au verset 12 de Surat Al-Muzammil, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: Inna ladayna ankalan wa jahima wa ta'aman dha ghussatin wa 'adhaban alima yawma tarjufu al-ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kathiban mahila. Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon le sens, nous avons pour eux, c'est-à-dire pour ceux qui n'ont pas cru au prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam et à ceux qui l'ont traité de menteur. Comme cela a clairement été dit par Allah azza wa jalla dans le verset précédent: وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا. Et laisse-moi avec ceux qui crient au mensonge et qui vivent dans l'aisance, et accorde-leur un court répit. Donc par la suite, Allah azza wa jalla dit: Nous avons pour eux lourde chaîne et enfer, et nourriture à faire suffoquer et châtiment douloureux, le jour où la terre et les montagnes trembleront, tandis que les montagnes deviendront comme une dune de sable dispersée. Qala Cheikh Sa'di rahimahullah ta'ala: Ay inna 'indana ankalan ay 'adaban shadida وجعلناه تنكيلا للذي لا يزال مستمرا على الذنوب وجحيما أي نارا حامية وطعاما ذا غصة وذلك لمرارته وبشاعته وكراهة طعمه وريحه الخبيث المنتن وعذابا أليما أي موجعا مفضعا وذلك يوم ترجف الأرض والجبال من الهول العظيم وكانت الجبال الراسيات الصم الصلاب كثيبا مهيلا أي بمنزلة الرمل المنهال المنتثر ثم إنها تبس بعد ذلك فتكون كالهباء المنثور. Donc il dit, rahimahullah, dans la parole d'Allah Azza wa Jal, nous avons de lourdes chaînes, c'est-à-dire que nous avons un châtiment douloureux, et nous en avons fait des chaînes et une prison pour celui qui persiste dans les péchés. وَجَحِيمًا et un enfer, c'est-à-dire un feu extrêmement chaud. وَطَعَامًا ذَا غُصَّةً et nourriture à faire suffoquer. Cheikh Sa'di rahimahullah dit que cette nourriture fait suffoquer de par son goût amer, son goût dégoûtant et de par son odeur extrêmement répugnante et nauséabonde. وَعَذَابًا أَلِيمًا et châtiment douloureux, c'est-à-dire douloureux et atroce. Et ceci aura lieu le jour où la terre et les montagnes trembleront. Elles trembleront, où cette terre et ces montagnes trembleront de par les immenses tourments qui auront lieu ce jour-là. Ce jour-là également, où les montagnes, qui sont de par nature ancrées et fermes, seront ce jour-là comme du sable dispersé, c'est-à-dire qu'elles seront réduites à du sable dispersé qui sera amené à sécher, puis à devenir comme de la laine cardée qui sera emportée par les vents. Ce maqala subhanahu wa ta'ala إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. Puis il dit à Azawajal selon le sens, en vérité, nous vous avons envoyé un messager, qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour être témoin contre vous, de même que nous avions envoyé un messager, c'est-à-dire Moussa à Pharaon. Pharaon désobéit alors au messager, nous le saisissâmes donc rudement. Il dit, rahimahullahu ta'ala, يقول تعالى احمدوا ربكم على إرسال هذا النبي الأمي العربي البشير النذير الشاهد على الأمة بأعمالهم واشكروه وقوموا بهذه النعمة الجليلة وإياكم أن تكفروها فتعصوا رسولكم فتكونوا كفرعون حين أرسل الله إليه موسى بن عمران فدعاه إلى الله وأمره بالتوحيد فلم يصدقه بل عصاه فأخذه الله أخذا وبيلا أي شديدا بليغا. Il dit, رحمه الله الشيخ السعدي, الله عز وجل dit, remerciez votre Seigneur et soyez reconnaissant envers lui lorsqu'il vous a envoyé ce prophète. Ce prophète qui est arabe, analphabète, un annonciateur, c'est-à-dire de la bonne nouvelle, et un avertisseur, c'est-à-dire contre le châtiment. Celui qui témoignera contre sa communauté selon ce qu'elles auront œuvré. Remerciez-le et prenez en considération cet immense bienfait dont Allah Azzawajal vous a fait don. Et prenez garde à ne pas être ingrat vis-à-vis de ce bienfait qui est l'envoi de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Prenez garde à ne pas être ingrat vis-à-vis de ce bienfait, qu'ainsi vous fassiez preuve de désobéissance à ce prophète, vous serez alors comme Pharaon, qui, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé vers lui Moussa, le fils de Imran, Moussa a appelé Pharaon à Allah et lui a ordonné de mettre en pratique le tawhid, c'est-à-dire de n'adorer qu'Allah azawajal seul sans ne rien lui associer. Pharaon ne l'a pas compris ainsi et n'a pas considéré le message de Moussa alayhi salam comme étant véridique. Au contraire, il lui a désobéi et Allah azawajal le saisit rudement, c'est-à-dire d'une façon forte et prononcée. Thumma qala ta'ala فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا. Il dit عز وجل selon le sens, comment vous préserverez-vous si vous mécroyez d'un jour qui rendra les enfants comme des vieillards aux cheveux blancs et durant lequel le ciel se fendra, sa promesse s'accomplira sans doute. قال رحمه الله أي فكيف يحصل لكم الفكاك والنجاة من يوم القيامة اليوم المهيل أمره العظيم قدره الذي يشيب الولدان وتذوب له الجمادات العظام فتتفطر به السماء وتنتثر به نجومها كان وعده مفعولا أي لا بد من وقوعه ولا حائل دونه. Il dit, rahimahullah, comment pourriez-vous être délivré et comment pourriez-vous être sauvé le jour du jugement, ce jour qui a une immense importance, ce jour qui fait peur, un jour qui rendra les enfants comme des vieillards, un jour dans lequel les choses immenses et inertes seront dissoutes. Ainsi, le ciel se fendra et les étoiles se disperseront. كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا. Et sa promesse, la promesse d'Allah Azzawajal, s'accomplira sans doute. C'est-à-dire que ce jour aura lieu sans aucun doute et rien ne pourra s'accomplir. empêcher le fait que ce jour arrive. ثم قال تعالى إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. Ceci est un rappel que celui qui veut prenne une voie menant à son Seigneur. أي إن هذه الموعظة التي نبأ الله بها من أحوال يوم القيامة وأهواله تذكرة يتذكر بها المتقون وينزجر بها المؤمنون فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا أي طريقا موصلا إليه وذلك باتباع شرعه فإنه قد أبانه كل البيان وأوضحه غاية الإيضاح وفي هذا دليل على أن الله تعالى أقدر العباد على أفعالهم ومكنهم منها لا كما يقول الجبرية إن أفعالهم تقع بغير مشيئتهم فإن هذا خلاف النقل والعقل. Il dit, rahimahullah, c'est-à-dire que ceci est une exhortation dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala informe de la situation et des tourments du jour dernier. Un rappel dont profitent les croyants. Un rappel qui fait reculer les croyants, c'est-à-dire de ce qui provoque la colère d'Allah. فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا. Que celui qui veut prenne une voie menant à son Seigneur, c'est-à-dire un chemin qui amène à Allah Azza wa Jal, et ceci en suivant sa législation. Car Allah Azza wa Jal a explicité celle-ci de la meilleure des façons. Et ceci est une preuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que ses serviteurs puissent agir. Et Allah Azza wa Jal a donné à ses serviteurs la possibilité d'agir et la capacité d'agir. Non, comme le disent la secte de l'Jabriyah, qui disent que les actes des serviteurs ont lieu sans qu'il n'y ait de volonté de leur part. Et ceci, c'est-à-dire cette croyance, est contraire au texte et est contraire à la raison. Car Allah Azza wa Jalla dit que celui qui veut prenne une voie menant à son Seigneur. Donc, on comprend que celui qui ne veut pas ne prend pas cette voie. Donc Allah Azza wa Jalla a donné au serviteur le libre choix de choisir la voie qui amène vers Allah subhanahu wa ta'ala ou de choisir celle qui au contraire fait éloigner la personne de celle-ci. ثم قال تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Il dit subhanahu wa ta'ala selon le sens, ton Seigneur sait certes que tu te tiens debout. Donc ici Allah Azza wa Jal s'adresse à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ton Seigneur sait certes que tu te tiens debout moins de deux tiers de la nuit, ou sa moitié, ou son tiers, de même qu'une partie de ceux qui sont avec toi. Allah détermine la nuit et le jour. Il sait que vous ne saurez jamais en faire le compte exact. Par conséquent, il a usé envers vous avec indulgence. Récitez donc ce qui vous est possible du Coran. Il sait qu'il y aura parmi vous des malades et d'autres qui voyageront sur la terre en quête de la grâce d'Allah et d'autres encore qui combattront dans le chemin d'Allah. Récitez donc ce qui vous sera possible. Accomplissez la salat, acquittez la zakat et faites à Allah un prêt sincère. Tout bien que vous vous préparez, vous le retrouverez auprès d'Allah, meilleur et plus grand en fait de récompense. Et implorez le pardon d'Allah, car Allah est pardonneur et très miséricordieux. Il dit, rahimahullah, « ذكر الله في أول هذه السورة أنه أمر رسوله بقيام نصفه بنصف الليل أمر رسوله بقيام نصف الليل أو ثلثه أو ثلثيه والأصل أن أمته أسوة له في الأحكام وذكر في هذا الموضع أنه امتثل ذلك هو وطائفة معه من المؤمنين ولما كان تحرير الوقت المأمور به مشقة على الناس أخبر أنه سهل عليهم في ذلك غاية التسهيل فقال والله يقدر الليل والنهار أي يعلم مقاديرهما وما يمضي منهما ويبقى علم أن لن تحصوه أي لن تعرفوا مقداره من غير زيادة ولا نقص لكون ذلك يستدعي انتباها وعناء زائدا أي فخفف عنكم وأمركم بما تيسر عليكم سواء زاد على المقدار أو نقص فقرأوا ما تيسر من القرآن أي مما تعرفون ومما لا يشق عليكم ولهذا كان المصلي بالليل مأمورا بالصلاة ما دام نشيطا فإذا فتر أو كسل أو نعس فليسترح ليأتي الصلاة بطمأنينة وراحة. Il dit, rahimahullah, Allah subhanahu wa ta'ala a cité au début de cette sourate qu'il a ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de prier la moitié de la nuit ou son tiers ou ses deux tiers. Parce qu'Allah azza wa jalla dit, ya ayyuhal muzammil, qumil layla illa qalila. Prie la nuit sauf une partie dans laquelle tu dormiras. Nisfahu, la moitié, prie la moitié de cette nuit. Awinqus minhu qalila, ou bien diminue de cette moitié un peu. Et on a dit ici que les savants ont dit que cela correspondait au tiers. Awzid alayh, ou rajoute, c'est-à-dire en plus de la moitié. Et ici les savants ont dit que c'est le Ce sont les deux tiers. Donc, dans le début de cette sourate, Allah Azza wa Jal a ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de prier la moitié de la nuit, ou bien son tiers, ou bien ses deux tiers. Et la base est que la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam prend le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme exemple dans les jugements. Donc, ce qui est ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, la base est que cela est également ordonné à sa communauté. Et Allah subhanahu wa ta'ala a cité dans ce 20e verset de Surat Al-Muzammil, وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ. Allah sait très bien que tu n'as pas prier que tu te tiens debout moins de deux tiers de la nuit, ou sa moitié ou son tiers, de même qu'une partie de ceux qui sont avec toi, c'est-à-dire des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, dans ce verset, Allah Azza wa Jal informe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ceux qui étaient avec eux parmi les croyants, ont mis en application cet ordre d'Allah, Azza wa Jal, de prier la nuit, de prier la moitié de la nuit, ou son tiers, ou ses deux tiers. Mais, parce que le fait de compter et de savoir exactement le temps qui a été prié, parce que cela était une contrainte pour les gens, Allah subhanahu wa ta'ala a informé qu'il a apporté un allègement à cela. Car il était difficile pour les compagnons, radiallahu anhum, de déterminer exactement combien de temps ils ont prié. Car au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comment est-ce qu'il se repérait au niveau du temps ? La journée, par rapport au soleil, lorsqu'il est au zénith, lorsque l'ombre est égale à la chose, lorsque le soleil se couche, etc. etc. Donc, cela était possible, ils avaient la possibilité de se repérer par rapport au soleil. Or, lorsque le soleil se couche, il est difficile de se repérer temporellement. On peut se repérer géographiquement, grâce aux étoiles, mais temporellement, de savoir le temps, est-ce que c'est le début de la nuit, la moitié, etc., c'était difficile de se repérer. Donc ainsi, Allah Azza wa Jal, pour cela qu'Allah Azza wa Jal a dit, « Wallahu yuqaddiru al-layla wal-nahar » Allah détermine la nuit et le jour. C'est-à-dire qu'Allah sait parfaitement le temps de la nuit et du jour, et il sait parfaitement ce qui est passé de ce jour et de cette nuit, et ce qu'il reste de ce jour et de cette nuit. Puis Allah Azza wa Jal dit, il sait que vous ne saurez jamais faire le compte exact. C'est-à-dire que vous ne saurez pas de façon exacte combien de temps vous avez prié, sans rajouter ou bien diminuer. C'est-à-dire prier plus de la moitié ou moins de la moitié, plus des deux tiers ou moins des deux tiers. C'est pour cela que d'autres mufassirin ont dit que cela était une contrainte, car les compagnons, radiallahu anhum, priaient une grande partie de la nuit de peur de ne pas prier moins des deux tiers. Donc cela les amenait à prier et à allonger leur prière jusqu'à des fois un peu avant l'apparition de l'aube. Donc cela était une réelle contrainte pour eux, car cela demande une attention particulière. Ainsi, Allah Azza wa Jal leur a facilité et allégé ce jugement et leur a ordonné de prier ce qui leur est possible. Que cela dépasse ce qui est demandé ou que cela soit en deçà de ce qui est demandé. Et Allah Azza wa Jalla dit, فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. Récitez donc ce qui vous sera possible du Coran, c'est-à-dire ce que vous connaissez et ce qui n'est pas une contrainte pour vous. Et Cheikh Sa'di dit, وَلِهَذَا, c'est pour cela que celui qui prie la nuit, il lui est ordonné de prier selon tant qu'il a de l'énergie et de la vivacité. Lorsqu'il commence à s'affaiblir, ou lorsqu'il commence à faire preuve de lassitude, ou lorsqu'il commence à somnoler, alors qu'il se repose afin de prier de façon sereine et après s'être reposé. Est-ce que c'est clair ? ثم ذكر بعض الأسباب المناسبة للتخفيف فقال علم أن سيكون منكم مرضى يشق عليهم صلاة ثلثي الليل أو نصفه أو ثلثه فليصلي المريض المتسهل عليه ولا يكون أيضا مأمورا بالصلاة قائما عند مشقة ذلك بل لو شقت عليه الصلاة النافلة فله تركها وله أجر ما كان يعمل صحيحا وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله أي وعلم أن منكم مسافرين يسافرون للتجارة ليستغنوا عن الحق عن الخلق ويتكففوا عن الناس أي فالمسافر حاله تناسب التخفيف ولهذا خفف عنه في صلاة الفرض فأبيح له جمع الصلاتين في وقت واحد وقصر الصلاة الرباعية، وكذلك وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه. فذكر تعالى تخفيفين: تخفيفا للصحيح المقيم يراعي فيه نشاطه من غير أن يكلف عليه تحرير الوقت، بل يتحرى الصلاة الفاضلة وهي ثلث الليل بعد نصفه الأول، وتخفيفا للمريض أو المسافر سواء كان سفره للتجارة أو لعبادة من قتال أو جهاد أو حج أو عمرة ونحو ذلك، فإنه أيضا يراعي ما لا يكلفه. فلله الحمد والثناء الذي ما جعل على الأمة في الدين من حرج، بل سهل شرعه وراعى أحوال عباده ومصالح دينهم وأبدانهم ودنياهم. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a ensuite cité les différentes causes qui justifient un allègement. Et il a dit, Azza wa Jal, selon le sens, il sait qu'il y aura parmi vous des malades. Des malades pour qui la prière de nuit, notamment de prier les deux tiers de la nuit ou sa moitié ou son tiers, que cela sera difficile pour eux. Ainsi, que le malade prie ce qui lui est facile. De même que cette prière, il n'est pas obligé de l'accomplir debout, si cela est une contrainte pour lui. Et si cette prière est une contrainte pour lui, si cette prière surérogatoire est une contrainte pour lui, alors il lui est autorisé de la délaisser. Et il aura la récompense de l'avoir accomplie, comme lorsqu'il accomplit ses prières, lorsqu'il est en bonne santé. Ainsi, et cela fait référence à un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que celui qui est en voyage ou que celui qui est malade et qui délaisse une prière surérogatoire, eh bien, il aura la récompense de celle-ci de la même façon qu'il accomplit ses prières surérogatoires lorsqu'il est résident ou lorsqu'il est en bonne santé. Et cela fait partie des mérites d'accomplir les prières surérogatoires et les actes surérogatoires de façon générale, car lorsque tu as une excuse de ne pas les faire pour cause de maladie ou de voyage, eh bien, tu auras la récompense de les avoir comme si tu les avais accomplis. Puis il dit, Azza wa Jal, et d'autres qui voyageront sur la terre en quête de la grâce d'Allah. C'est-à-dire, et Allah Azza wa Jal sait également qu'il y aura parmi vous des voyageurs qui voyageront pour le commerce afin de ne pas être dépendants des gens et de ne pas tendre la main aux gens. C'est-à-dire que le voyageur, sa situation justifie un allègement. C'est pour cela que la prière obligatoire lui a été allégée. Et il a été autorisé aux voyageurs de rassembler deux prières à l'heure d'une des deux et de raccourcir les prières de quatre rak'at. Et il dit également, Azza wa Jal, et d'autres encore qui combattront dans le chemin d'Allah. Ici, Allah Azza wa Jal a donc cité dans ce verset deux formes d'allègement. Le premier allègement concerne celui qui est en bonne santé et résident. Celui-là, comme on l'a vu précédemment, il accomplit la prière de nuit en prenant en compte sa vivacité et son énergie, sans qu'il ne fasse attention à combien de temps, sans qu'il ne fasse attention combien de temps il a prié. Mais il recherche la prière la plus méritoire, et ici, Cheikh Saadi dit, qui est le fait de prier le tiers de la nuit après la moitié de la nuit. Donc de prier le dernier tiers de la nuit, qui est le moment le plus propice et qui est le meilleur moment dans lequel la personne prie. Donc, au début, Allah Azza wa Jalla a ordonné de prier la moitié, le tiers ou les deux tiers. Ainsi, les compagnons et le prophète sallallahu alayhi wa sallam essayaient le plus possible de respecter ce laps de temps. Puis, Allah Azza wa Jalla a allégé ce jugement en donnant comme nouvelle directive de prier tant que tu peux et tant que tu en as l'énergie et la vivacité. Donc ceci est le premier allègement. Le deuxième concerne celui qui est malade ou celui qui est en voyage. Que son voyage soit pour un commerce ou pour une adoration, comme le fait de combattre dans le sentier d'Allah, ou d'accomplir le Hajj, ou d'accomplir la Umrah, ou autre adoration. Ces catégories de personnes ont également un allègement concernant la prière de nuit, qui est qu'ils prient tant que cela ne leur cause pas de gêne. Et Cheikh Saadi dit que la louange soit à Allah Azza wa Jal et qu'il soit loué, qui n'a pas fait de contraintes pour cette communauté. Il n'y a dans cette religion aucune contrainte. Allah Azza wa Jal a facilité sa législation et a pris en compte dans sa législation la situation de ses serviteurs et a pris en compte dans sa législation, subhanahu wa ta'ala, les bienfaits de ses serviteurs, que ce soit les bienfaits religieux ou les bienfaits de leur corps ou de leurs choses mondaines. ثم أمر العباد بعبادتين هما أهم العبادات وعمادها إقامة الصلاة التي لا يستقيم الدين إلا بها وإيتاء الزكاة التي هي برهان الإيمان وبها تحصل المساواة للفقراء والمساكين ولهذا قال وأقيموا الصلاة بأركانها وشروطها ومكملاتها وأقرضوا الله قرضا حسنا أي خالصا لوجه الله من نية صادقة وتثبيتا من النفس ومال طيب ويدخل في هذا الصدقة الواجبة والمستحبة ثم حث على عموم الخير وأفعاله فقال وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وليعلم أن مثقال ذرة من الخير في هذه الدار يقابله أضعاف أضعاف الدنيا وما عليها في دار النعيم المقيم من اللذات والشهوات وأن الخير والبر في هذه الدنيا مادة الخير والبر في دار القرار وبذره وأصله وأساسه فوا أسفاه على أوقات مضت في الغفلات ووا حسرتاه على أزمان تقضت بغير الأعمال الصالحات ووا غوثاه من قلوب لم يؤثر فيها وعظ بارئها ولم ينجع فيها تشويق من هو أرحم بها منها فلك اللهم الحمد وإليك المشتكى وبك المستغاث ولا حول ولا قوة إلا بك واستغفر الله إن الله غفور رحيم وفي الأمر بالاستغفار بعد الحث على أفعال الطاعة والخير فائدة كبيرة وذلك أن العبد ما يخلو من التقصير فيما أمر به إما أن لا يفعله أصلا أو يفعله على وجه ناقص فأمر بترقيع ذلك بالاستغفار فإن العبد يذنب آناء الليل والنهار فمتى لم يتغمده الله برحمته ومغفرته فإنه هالك تم تفسير سورة المزمل. Puis Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce même verset, a ordonné à ses serviteurs d'accomplir deux adorations, qui sont les adorations mères, que sont l'accomplissement de la prière, dont la religion ne peut être droite sans celle-ci, et de s'acquitter de la zakat, qui est la preuve de la foi. Et c'est par cette zakat, par cette aumône, qu'a lieu l'entraide avec les pauvres et les nécessiteux. Pour cela qu'Allah Azzawajal a dit « Wa aqimus salah » « Accomplissez la prière », c'est-à-dire en accomplissant ses piliers, ses conditions et ce qui la rend parfaite. « Wa aqridullaha qardan hasana » « Et faites à Allah un prêt sincère », c'est-à-dire un don qui est sincère et dans lequel l'on ne veut et l'on espère que la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un don qui est fait avec une intention pure, avec des biens bons, c'est-à-dire qui ont été obtenus de façon licite. Et entre dans cela, dans ce verset, l'aumône obligatoire, qui est la zakat obligatoire, et l'aumône surérogatoire. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a encouragé de façon générale à accomplir le bien. Et il dit azza wa jal, tout bien que vous préparez, vous le retrouverez auprès d'Allah meilleur et plus grand en fait de récompense. C'est-à-dire que la bonne action est multipliée par 10. Elle peut être multipliée par 700, voire bien plus encore. Et que l'on sache que l'atome de bien qui est fait dans cette vie d'ici-bas sera multiplié, aura la valeur de cette vie d'ici-bas et bien plus encore comparé aux délices qu'il y aura dans la vie de l'au-delà. Et que le bien et la bonté de cette vie d'ici-bas sont les composants du bien présent dans la vie de l'au-delà et sont la base de celui-ci. Ainsi, pour obtenir le bien dans l'au-delà, il faut donner de la matière. Et cette matière, c'est le bien que tu œuvres dans cette vie d'ici-bas. Puis, Cheikh Saadi, rahimahullah, dit « Hélas, combien de temps est passé dans l'insouciance? Quel grand regret face à toutes ces minutes, à tout ce laps de temps qui s'est écoulé sans accomplir de bonnes actions. Et quel regret et hélas à ce cœur qui n'est pas atteint par le rappel de son Seigneur et qui ne crée pas en lui le désir d'aller vers celui qui a plus de miséricorde pour lui qu'il n'en a pour soi-même. » Autrement dit, ici, Cheikh Saadi dit, et que c'est malheureux, qu'il est malheureux de constater que les cœurs ne sont pas atteints et ne réagissent pas face au rappel et à l'exhortation de leur Seigneur, de son Seigneur, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et que ce rappel d'Allah azza wa jal et cette exhortation ne créez pas dans ce cœur le désir d'aller vers son Seigneur qui a plus de miséricorde envers lui que cette personne en a pour soi-même. Est-ce que tu es plus miséricordieux vis-à-vis de toi qu'Allah est miséricordieux envers toi? Allah Azza wa Jal est beaucoup plus miséricordieux que toi tu ne l'es pour toi-même. Car si tu étais miséricordieux pour ton âme et pour ta personne, il n'y aurait pas une seconde qui s'écoulerait sans que celle-ci soit pleine d'adoration envers Allah Azza wa Jal. Ainsi, il faut aller vers Allah subhanahu wa ta'ala dont la miséricorde est plus vaste que les cieux et la terre. Puis il dit, rahimahullah, à toi, ô Allah, la louange, et c'est à toi que nous nous plaignons, et c'est de toi dont nous implorons le secours. Il n'y a de force qu'en toi. Puis Allah azawajal dit, wastaghfirullah, inna Allaha ghafurur rahim. Et demandez le pardon à Allah, car Allah est pardonneur et tout miséricordieux. Il dit, rahimahullah, que dans cet ordre d'Allah azawajal de demander le pardon, après qu'il ait juste avant encouragé à accomplir de bonnes œuvres, il y a dans cela une immense morale, qui est que le serviteur, soit il n'accomplit pas du tout l'ordre qui lui a été dirigé, ou soit il le fait mais d'une façon incomplète. Ainsi, il lui a été ordonné de rattraper cela et de combler ce manque par la demande de pardon, car le serviteur commet des péchés de jour comme de nuit, et si Allah Azzawajal ne l'englobe pas dans sa miséricorde et dans son pardon, alors ce serviteur est voué à la perdition. Ainsi se termine le tafsir de Surat Al-Muzammil. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.